Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 7 janvier. On savait que les Saguenay de Chicoutimi allaient obtenir de quoi de gros contre Noah Dobson qui allait aboutir à Rouyn-Noranda. Ben, on a connu hier le dénouement. Dans cette transaction à trois équipes, Noah Dobson est passé à Rouyn-Noranda. Et du côté des Sags, ben, on obtient dans cette transaction William Dufour qui a été le premier choix des Huskies et le sixième au total. Le choix de première ronde en 2019, le premier choix en 2020 également, le deuxième choix en 2020 de Rouyn-Noranda, le deuxième choix de 2021 et le troisième choix en 2021, donc du côté des Sags. Et William Dufour, avec la question de William Dufour, les Saguenayens ont maintenant trois joueurs qui ont été repêchés dans les sept premiers rangs lors du repêchage de 2018. Également, ben, les Saguenay de Chicoutimi ont échangé Zachary Boutillier à Saint John. Les Sags qui obtiennent en retour le choix de deuxième ronde en 2020 et le choix de quatrième ronde en 2021. Sur la glace maintenant, les Saguenay ont perdu 4-1 contre le Dakar de Baie-Comeau. Dans le match, seul Morgan Nouse a marqué le but. Et vendredi, ben, les Sags ont gagné 3-2 contre les Olympiques de Gatineau. Vladislav Kotkov a marqué un but dans la victoire. À son retour des congés des fêtes, le multiconcessionnaire de Boumsesni s'est incliné 9-5 contre la formation des Éclairs de Charlevoix. Le prochain match du multiconcessionnaire aura lieu samedi soir au complexe sportif du secteur de Delbeau contre le MGA Express de Saguenay. Et je termine avec du bantam. Il y avait des matchs en fin de semaine. D'abord, les Rapides de Boumsesni ont défait les Sags 1 par la marque de 5-3. Ça s'est déroulé à Mississini. Et deux défaites pour les ambassadeurs de Chibougamau. Les ambassadeurs qui ont perdu 3-1 contre l'équipe des Saguenayens 2 et ont également perdu par blanchage 4-0 contre ces mêmes ambassadeurs. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.